Chapitre 3e. Lumière obscure. Quelques jours après l'incident de l'épouse battue par son mari, Karim dîne avec sa mère et sa sœur. On frappe timidement à la porte. Zazia se lève et va ouvrir, puis elle revient. C'est la petite fille de notre voisine du rez-de-chaussée. Elle demande si nous avons un peu d'huile et un oignon à lui donner. « Donne-lui !» répond la mère. Zazia se dirige vers la cuisine. Karim examine la petite fille. Debout sur le seuil de la porte, elle est maigre, pauvrement vêtue. Son attitude très humble, son regard baissé vers le sol, ses bras ballants touchent particulièrement Karim. Elle doit être consciente, se dit-il, mais honteuse de la malheureuse situation de sa famille. Déjà, à cet âge si précoce, se rendant compte de la cruelle injustice humaine. La vue de la pauvreté matérielle heurte toujours Karim, la triste et l'indigne. Ce fut l'un des motifs de sa crise religieuse et de l'ébranlement de sa foi en Dieu. Comment peut-il permettre l'existence des pauvres et leur promettre une vie heureuse uniquement dans l'au-delà, n'est-ce pas se moquer d'eux? Un Dieu réellement bon acceptera-t-il une telle injustice et formulera-t-il une telle ridicule compensation? Continuant à observer la petite fille, Karim éprouve un confus embarras. Il s'efforce d'en comprendre le motif. Il y parvient vite. Et moi, qu'est-ce que je fais? Que puis-je faire pour éliminer cette inacceptable condition? Un oignon et un peu d'huile ne résoudront pas les problèmes de cette famille. Encore moins les prières à la mosquée. Quant aux misérables individus qui détiennent le pouvoir. « Entre et ferme la porte, » dit Karim avec gentillesse à la petite créature. Embarrassée, elle obéit et s'approche, en restant devant l'entrée du salon, le regard toujours baissé, les bras ballants. « Quel âge as-tu ? » lui demande Karim avec délicatesse. Sans relever les yeux, elle murmure d'une voix mal assurée. « 8. » Karim désire que la petite le regarde. Il renonce à cette sollicitation pour ne pas l'embarrasser davantage. Alors, il continue son enquête avec le même ton, doux et respectueux. « Tu vas à l'école, n'est-ce pas ?»« Oui. »« Et comment ça va à l'école ? Tu aimes y aller ?»« Oui. »« C'est vrai ? » insiste-t-il avec amabilité. « Oui. » Zaya revient et tend à la fille une petite bouteille en plastique contenant de l'huile, et non pas un, comme demandé, mais 3 oignons. La fillette lève les yeux vers Zaya sans comprendre. Cette dernière lui dit avec douceur. « Oui, je sais. Tu m'as demandé seulement un peu d'huile et un seul oignon. Je préfère te donner un peu plus d'huile et 3 oignons. » L'enfant les prend sans rien dire. Zaya l'accompagne jusqu'à la porte, la ferme, puis revient s'asseoir. « La malheureuse famille !» murmure la mère de Karim, peinée. « Ils sont 5. Le mari, l'épouse, le frère de 20 ans sans travail, celui de 17 ans également chômeur, cette petite fille et Zara. Comment cette dernière peut nourrir toutes ses bouches avec son seul salaire de femme de chambre? Déjà, une chance qu'elle a ce travail, sinon... » Zaya affirme. « Dieu pourvoit à tout. » Sa mère et Karim la regardent sans commenter. Ils veillent à ne jamais contredire Zaya, depuis sa chute dans le puits de la schizophrénie et le terrible incident qui eut lieu. 2 années auparavant, un matin, en hiver, Zaya se trouvait seule à la maison. Karim était au travail et sa mère au marché. Durant leur absence, Zaya s'était jetée par la fenêtre. Son corps tomba sur la devanture d'un magasin installé au pied de l'immeuble. Par miracle, Zaya ne mourut pas. La chute eut comme résultat des côtes brisées et un bras cassé. Zaya fut hospitalisée. Après 1 mois, sa mère et Karim la reportèrent à la maison. Ensuite, durant 5 autres mois, Karim et sa mère s'occupèrent d'elle. Plâtrée, elle devait garder le lit en bougeant le moins possible. Quant à l'hôpital, sa mère lui demanda le motif de son action insensée. Zaya répondit simplement, avec sincérité. « Une voix intérieure en moi m'a dit de le faire. »« Quelle voix ?» voulut savoir la mère. « Shaitan !» Karim n'en fut qu'à moitié étonné. Par son travail à l'hôpital, il savait qu'en Algérie, les troubles psychiatriques ont connu un accroissement considérable, notamment les crises d'angoisse, la paranoïa, les déséquilibres bipolaires, la schizophrénie. Quoique le suicide soit prohibé par la religion musulmane, le nombre de ces tragédies s'est considérablement élevé. Il semble que les attentats kamikazes d'islamistes ont une ultérieure influence sur l'augmentation du nombre de suicides. Karim comprit donc. Sa sœur avait rejoint le lot des malheureuses victimes de ce genre de troubles psychiques. Née en 1984, elle avait 10 ans en 1994. C'était la période du terrorisme islamiste. Zaya marchait dans la rue avec son père. Soudain, un jeune homme s'en approcha, saisit le père par derrière et l'égorgea devant les yeux horrifiés de sa fille. le tort de la victime, syndicaliste à l'usine sidérurgique et hostile à l'obscurantisme religieux. Cet atroce événement transforma brusquement et totalement Zaya. Elle cessa de parler, renonça à l'école, se mit à fréquenter la mosquée, à faire des prières dans sa chambre, même de nuit. Zaya brûla tous ses livres scolaires et acheta un Coran. Elle le lisait dans sa chambre jour et nuit en s'efforçant vainement de comprendre la langue. Zaya s'enferma dans une coquille hermétiquement verrouillée, ou plutôt dans une grotte totalement obscure. La seule lumière, comme Zaya l'appelait, s'incarnait en une conception religieuse intégriste. Cette vision éliminait toute forme de raison. « Crois, ordonnait-on à Zaya, à la mosquée, et ne cherche rien à comprendre. Le vouloir, c'est haram, péché. » Cependant, le comportement de Zaya semblait calme, trop calme, parce que conditionné par les médicaments. Mais il suffisait d'observer les yeux de Zaya, son regard trouble, pour se rendre compte de l'impressionnant dérangement mental qui la torturait et de l'inquiétante violence qui bouillonnait en elle. Karim songea porter sa sœur chez un psychologue ou un psychiatre. Le frère comprit, inutile d'insister. Dorénavant, sa sœur vivait en recluse dans sa chambre. Cependant, elle participait normalement au ménage dans l'appartement, mais elle ne sortait jamais à l'extérieur. La seule exception était le vendredi. Le corps entièrement couvert d'un voile noir, y compris le visage et les mains, elle se rendait à la mosquée pour la prière collective. En regardant Zaya ainsi accoutrée, Karim et sa mère, affligés et consternés, avaient l'impression de voir une espèce de chauve-souris affreuse. Ils en sont restés avec une infinie tristesse pour la fleur si affreusement fanée qu'était devenue Zaya. Auparavant, quelle petite fille merveilleuse d'énergie, de joie, d'intelligence et de beauté. Elle aimait tellement aller à l'école, étudier avec ardeur et plaisir, pratiquer le basketball, nager comme un poisson dans la mer, enfin songea à devenir médecin pour soigner gratuitement les pauvres, disait-elle. Vint l'horrible assassinat du père sous ses yeux. Il provoqua l'obscurité totale dans la tête et dans la vie de Zaya, obscurité symbolisée par cet horrible voile de couleur noire. Karim et sa mère ne pouvaient voir leur chère fille et sœur s'en envelopper le corps, sans penser à la mort de son énergie vitale. Une nuit, la mère, au comble du désespoir, murmura à Karim, « Plutôt qu'ensevelie dans ce voile noir, je préfère voir Zaya dans la tombe. »« Pardonne-moi, maman, » répliqua Karim, « mais ne désespérons pas. Tant qu'on est vivant, tu trouves que ta sœur vit. Je garde l'espoir qu'elle vivra de nouveau. Nous sommes là pour l'aider. » Depuis sa chute dans la grotte noire, Karim aime davantage sa sœur. Il sait qu'elle a été et demeure victime de sa sensibilité, violemment blessée par la cruauté humaine. Il s'imagine avec horreur à la place de Zaya, âgée à peine de 10 ans, et voyant la lame d'un couteau couper la gorge de son père. Depuis lors, Karim s'efforce de toutes les manières à rendre la vie de sa très chère sœur la moins pénible possible, à lui apprendre petit à petit la redécouverte de ce que la vie offre de bon et de beau. Il a l'infime plaisir de croire que sa sœur apprécie le comportement plein de compréhension et d'amour de son frère. Dans l'obscurité de son esprit, pense Karim à propos de Zaya, subsiste une petite lumière. Mon rôle est de tenter d'agrandir cette lumière.